Lâche donc un peu les filles. Allez, ouais ah. Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Petit Pékin, oh oui, viens avec moi. Attends, ce ne vaut pas. Salut, c'est Eric et bienvenue dans l'émission Johnny 2 à Z tous les mercredis de 22h jusqu'à minuit ici sur RIG 90.7 de la bande FM et sur RIGFM.fr. Je suis très heureux de vous retrouver comme chaque mercredi et aujourd'hui, évidemment, nous sommes le mercredi 5 avril. Donc, qui dit premier mercredi du mois dit évidemment Johnny Hallyday en live. Ce soir, je vais vous proposer des versions que vous ne connaissez pas forcément ou sinon que vous avez pu écouter un jour ici, un jour là. Mais ce sont des versions qu'on n'entend pas couramment à la radio et peut-être aussi dans vos platines ou dans vos baladeurs. J'en sais rien, au moins dans votre casque. On va retrouver Johnny Hallyday du genre dans les Francofolies en 88, par exemple. On va retrouver Johnny Hallyday lors des, lors des Sunday Rock, pendant les concerts de 1996, pendant Johnny Hallyday sur RTL, interprétant des chansons de son dernier, des derniers albums. Voilà, plein de trucs comme ça. Et aussi quelques versions live du genre concert en 2012. Par exemple sur Limoges, que vous connaissez déjà dans l'émission Johnny de A à Z. Et puis voilà, si vous voulez, on peut attaquer tout de suite cette émission live, 100% live. Il y aura aussi bien des titres donc en live, enfin en concert, à la radio, à la télévision. Hein, ça va un peu s'alterner tout ça. Et ce que je vous propose, le premier titre sera extrait du Johnny Circus de RTL. Alors, la date précise, on ne sait pas trop. Est-ce Chantilly ou est-ce une autre date? Mais en fin du compte, ça venait donc du de l'émission qui a été rediffusée au mois d'août 1972 et c'était des commentaires de Julien Clerc. On n'en aura pas dans cet extrait-là. Voici le premier titre, Je suis dans la rue, Johnny Hallyday et le Johnny Circus. Et bonne écoute à toutes et à tous dans la antenne de RIG. 1993, lors des Francofolies de La Rochelle, avec le titre « Je serai là ». Sur tous les chemins de ta vie, dans le désert ou sous la pluie, quand tu voudras, je serai là. D'un château, de nulle part, d'un ruisseau, quand tu voudras, je serai là. Je serai là si tu veux, comme ces rêves qui rendent. Dans le souffle d'un vent géant, dans le sourire du printemps, quand tu voudras, moi je serai là. Dans tes moments de solitude, où la vie trop dure, je serai là. Je serai là si tu veux, comme ces rêves qui rendent heureux, pour faire un jour le plus heureux de ta vie. Je serai là. Si tu es là, tu sais, moi je serai là. Ou dans ton sommeil, quand tu dors, quand tu te réveilles, quand tu voudras, moi je serai là. Je serai là si tu veux, comme ces rêves qui rendent heureux. Pour toi, tu sais, moi, je serai là. Si tu es là, je serai là. Que tu aies besoin de moi en janvier, en février, en décembre. Si vraiment tu as besoin de moi, tu l'as fait. Et moi, pour toi, je serai là. Ma vie, pour moi, c'est toi. Et pour toi, je serai là. Johnny Hallyday à la radio, c'était sur RTL lors des Sunday Rock avec ce Montpellier assez rock'n'roll, oui.88, toujours au Francofolies de La Rochelle. Vous écoutez RIG et ce soir de cette émission Johnny de Z, je vous propose d'écouter John Hallyday en live. Oui, clique ça fait. En live avec des lives connus, mais ou pas. Quand tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été et que ton oreiller ressemble au champ de blé. Sur ton cœur, les montagnes et les forêts. corps se fait dur. Quand le ciel dans tes yeux, d'un seul coup, n'est plus pur. Quand tes mains voulaient bien, quand tes doigts n'osent pas, quand ta pudeur dit non, une toute petite voix. Oh. Tu ne te sens plus chatte et que tu deviens chienne et qu'à l'appel du loup tu brises enfin tes chaînes. Nation. C'était le 21 septembre 1991 et Johnny rendait hommage à la jeunesse russe avec trois titres, Diego, Gabriel et Dégage. Thank you. l'amour dans ton lit et entendre la vie ne plus m'essouffler sur tes cris. Tellement loin, loin, loin, loin, loin, loin que j'arrive pas à savoir combien vous êtes. On m'a dit que vous étiez à peu près ce soir 200 000. Après, on m'a dit que vous étiez 250 000. Et puis, aux dernières nouvelles, vous êtes 300 000. C'est en 1962 que j'ai fait cet endroit. Et à l'époque, on avait trouvé ça révolutionnaire. Il y avait 100 000 personnes. Et ce soir, on n'est plus du triple. Ce qui prouve quelque chose, c'est que la liberté, la jeunesse et la musique que nous aimons tous, le blues, le rock and roll, elle apporte quelque chose par rapport à ce que nous sommes, nous, aujourd'hui. Nous voulons la liberté, nous voulons être libres, nous voulons pouvoir avoir quelque chose à nous. Et le rock'n'roll est ici pour rester. savez-vous. Et on quitte la place de la Nation pour retrouver Johnny Hallyday sur un plateau de télévision. C'était sur TF1 lors de l'émission Les Allées-Tubes. Et le titre Restez libre. Toujours à la télévision sur un plateau de télé, nous sommes cette fois-ci sur France 2 dans l'émission Taratata. Johnny Hallyday y était le 23 décembre 1994 pour défendre son album Rough Town. Deux extraits que je propose, Can't Stop Wanting You et le second titre I Wanna Make Love To You. Vous écoutez toujours Érigé, l'émission Johnny 2 à Z, avec ce soir l'émission en live. Des versions que vous ne connaissez pas forcément ou des versions qui se font plus ou moins rares à la radio ou ailleurs, hein. Summer

écoutez Érigé, l'émission Johnny 2 à Z en live aujourd'hui. Et pour cette occasion, on va écouter différents titres de Johnny Hallyday en live, pour notamment ce titre, ces deux titres de Johnny Hallyday à Châteauroux. C'était le 25 novembre 1967. Deux titres donc, Noir c'est Noir et Lucille. Je vais né, j'en me rends fou. J'ai cru à ton amour et je perds-tu. Je suis dans le noir et j'ai du mal à croire au cri de l'ennui et je te crie. Jusqu'au bout. Si un mot peut tout changer, je le trouverai. À l'instant de la vérité, pourquoi en douter? Or c'est Noël, il n'est jamais trop tard. On a du cri. Dans ma vie, oh non, ça me rend fou de perdre ton amour, je te l'avoue. Sur la scène, comme sur les disques, par l'orchestre des Black Birds. Il me restait l'espoir. Chris et qui? Et je ne veux plus d'ennui, oh non. Ça vaut le cul de sauver notre amour, rien que pour nous. De sauver notre amour, rien que pour nous. Ah, c'est noir, il me restait l'espoir. Ah, c'est noir, il me restait l'espoir. Yeah. Dans les années tubes du je ne sais, du 27 janvier 1996 et le titre Quand le masque tombe. semblant, à garder les yeux paisibles quand elle plonge dedans. À Nîmes en 1995. Johnny à Nîmes, c'était le 29 novembre 1995 pour le retrouver à Carpentras en 1994. On va écouter le titre That's All Right Mama et What a Shaking Going On. Vous êtes formidable. salade. La salle à la femme. Hey, do what you do. All right, let's go. Maybe time for sure. That you won't be bored with me hanging on your toe dinosaur. We'll be right back. take it, baby. Baby, shake it. I said, shake it, oh, baby, shake it. Hey, baby, shake. I said, come on over, papa, set a whole lot of shit going on. Johnny Hallyday à Carpentras en 1994. On va retrouver Johnny Hallyday au Francopholis de La Rochelle en 1996 avec ce titre-là. Je la croise tous les matins. Je la croise tous les matins, 5h40. Elle va prendre son train. Et moi je rentre. Sa journée, ouais, toujours à l'heure. Moi, la lumière me fait peur. Elle a cette assurance, ouais, inaccessible, de ce temps de la chance de naissance. tous les matins, 5h40, elle va prendre son train. Et moi je rentre. La tournée des Enfoirés à présent, Mick Jones a aidé et Véronique Sanson en 1989 et avec le titre La musique que j'aime. Vous écoutez Érigé, la radio de Jones a aidé le mercredi de 22h jusqu'à minuit. Et ce soir, c'est le premier mercredi du mois d'avril, et on écoute Jones a aidé en live avec des titres que l'on connaît forcément, mais pas forcément dans ces versions-là, ou sinon ces versions-là, on les écoute pas trop souvent, quoi. Ouais, on les a un peu oubliés, quoi. C'est la musique que j'aime. Elle vient de là, elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'elle blues. J'y mets mes joies, oui, j'y mets mes peines. Et tout ça, ça devient le blues. Je le chante autant que je l'aime. Je le chanterai toujours. Il y a longtemps sur des guitares, des manoirs et des belles joues. On chantait les peines et les espoirs. On chantait Dieu et puis l'amour. Oui, et si que vivra, tant que vivra.

disparu, car tu n'es pas venu sur ma vie. J'ai juré que mon cœur ne battrait non jamais pour aucun autre cœur, et tout est perdu, car il ne bat plus, mais il pleure, mon amour déçu. Je t'ai juré un jour de t'aimer jusqu'au dernier jour de mes jours, et même à présent je tiendrai serment malgré tout le mal que tu m'as fait. Sur ma vie, chérie, je vous attendrai. Merci pour cette soirée qui vous a donné ce soir et pour votre amour. Je vous aime tous. Bonne fin de soirée, merci. On retrouve tout de suite Johnny Hallyday lors du plateau de RTL, dans le studio de RTL, le grand studio RTL, et un concert très privé, c'était en 2011. Avec un extrait d'un album Jamais Seul, voici Guitar Hero. Je ressemble à quoi? Mais je ressemble à quoi? Avec cette guitare dans le dos. Oh, jamais, jamais, jamais. Non, jamais, jamais, jamais. Je ne pourrai jouer. Je vais être avec toi. Hey Joe, n'y pas la vérité. Hey Joe, j'ai pas touché de voix. J'ai pas touché de voix. Non, je n'aurai jamais tes doigts. Non, je n'aurai jamais, jamais tes doigts. dire que j'ai la chance d'avoir des bons musiciens. Merci. Un certain fils de personne a été écrit en français par encore Philippe Labrotte. Merci Philippe. Tout de suite, John a aidé aux vieilles charrues. C'était le 20 juillet 2006 et avec le titre Quelque chose de tennis. J'aimerais chanter cette chanson pour celui qui m'a écrit cette chanson, à sa mémoire. Quelque chose en nous de Tennessee, cette volonté de prolonger la vie, ce désir fou de vivre une autre vie, ce rêve en nous avec ses mots à lui. Oui, quelque chose en nous de Tennessee, cette force qui nous pousse vers l'infini. Il y a peu d'amour avec tellement d'envie, oui, si peu d'amour avec tellement de bruit. Oui, quelque chose en nous de Tennessee. Ainsi vivait Tennessee, le cœur en fièvre et le corps démoli, avec cette formidable envie de vie. Ce rêve en nous, c'était son cri à lui. Oui, quelque chose de Tennessee. Comme

Toulouse actuellement. Maintenant, nous sommes à Limoges. Lors de la tournée, qui devait être jamais seule, en fait de compte, c'est devenu un autre nom par la suite. On va retrouver Johnny Hallyday et le titre est Hey Joe. Vous écoutez Johnny de A à Z et l'émission en live avec des versions qu'on ne connaît pas forcément, qu'on a oubliées avec le temps. Hey Joe! Allez, cours pas comme ça, il n'y a pas le feu chez toi. Hey Joe, et viens dire bonjour, t'en mourras pas. Moi je rentre à l'heure qui me plaît, j'ai même plus de montre, j'ai tout mon temps. Qui m'attend chez moi, je le sais. Rien qu'un lit froid, sans personne dedans. Hey Joe, si on parlait, dis, mais de quoi? Hey Joe, le chômage, les grèves, tu t'en fous de tout ça? Toujours à Limoges le 11 novembre 2012 et là nous terminons cette émission avec le titre L'attente. C'est une chanson de mon tout dernier nouvel album. À quoi peut bien servir mes bras si c'est pour brasser du vent? Que vais-je faire de mes deux mains si elles espèrent en vain?